le génie de Wolfgang ne saurait bien exprimer les affres de mon cœur exsangue que tu attends comprimé. Il n'existe aucune langue pour dire mon amour brimé. Pour dire mon amour brimé. Comme un hareng qu'on harangue, je trouve la note salée. Un navire que la mer tangue, que le capitaine laisse aller vers le dangereux triangle, ne serait pas plus déprimé. Ne serait pas plus déprimé. Aucune langue qui saurait bien imprimer les mots serrés dans une gangue que je n'ose t'exprimer. Même la langue des gangues, même la langue de Crimée, même la langue de Crimée. Affreux de mon cœur exsangue que tu attends comprimé. Il n'existe aucune langue pour dire mon amour brimé. Pour dire mon amour brimé.